l'espace, l'univers. Je voulais découvrir le monde. Découvrir le monde. Faire dodo puis mes trop vieux boulots. Je voulais pas de cette vie, vivre au crochet d'un chrono, attendre la mort sans raison de vivre, ivre, pété à l'oxygène, mine affûtée comme un opinel. J'ai lutté comme arborigène, j'ai pas joué la polichinelle, hey. La routine me tendait les bras, j'en foutais pas une grosse, j'ai pété des câbles, graissé des pattes, des sales gamins, fait baisser les bras, j'ai cramé des grammes, calme, calme, on me disait d'être stable, de trouver un taf afin de payer les taxes, assumer mes actes, hey, puis définir les axes. Charbonner sans aimer, ramener la monnaie, s'abîmer le moral, se miner, ramonner. C'est jeune que j'ai pris conscience de la valeur de la vie. Je voulais que tout prenne un sens, mais je voulais pas parler d'avenir. Hey, attiré par l'espace, l'univers, je voulais découvrir le monde. J'ai fait face au dilemme pour un avenir moins sombre. Pour un avenir moins. J'ai quitté le navire à la nage, ouais, quitté le navire à la nage. J'ai quitté le navire à la nage, ouais, quitté le navire à la nage. Mon esprit dérive vers le large, j'ai quitté le navire à la nage. Mon esprit dérive vers le large, j'ai quitté le navire à la nage. J'ai perdu de vue le rivage. J'ai étudié petite, j'étais bonne élève, puis j'ai dérivé très vite. La réalité m'a fait ressentir que je pouvais m'élever en dehors des cycles. J'ai échoué tous les trimestres, je comptais les heures, les minutes. Je me ralentissais en vitesse, j'ai passé des années de lutte. Je voulais pas me faire exploiter, finir plus tard tous les soirs, être employé dans une boîte et finir dans le mal tous les mois. Chercher salaire, pas la joie. Non, ça ne m'intéressait pas, passer une semaine à la fac. J'ai quitté le navire à la nage. Attiré par l'espace, l'univers, je voulais découvrir le monde. J'ai fait face au dilemme pour un avenir moins sombre. Pour un avenir moins sombre. J'ai quitté le navire à la nage, ouais. Quitté le navire à la nage. J'ai quitté le navire à la nage, ouais. Quitté le navire à la nage. Mon esprit dérive vers le large, j'ai quitté le navire à la nage. Mon esprit dérive vers le large, j'ai quitté le navire à la nage. J'ai perdu de vue le rivage.